Susanna, ton affaire, ça se complique. Mawa, Susanna Koulibaly, Susanna Koulibaly, demain c'est la fin du mois, demain j'ai donné toi l'argent, moi j'ai donné toi l'argent, pour payer ton loyer, pour acheter les bijoux, pour acheter les panneaux. Mais quand j'ai donné toi, tu donnais à Moussa, regardez-moi à Ferro, Susanna n'a pas confiance, Susanna. Susanna Koulibaly, Susanna Koulibaly, Susanna Koulibaly, demain c'est la fin du mois, demain j'ai donné toi l'argent, moi j'ai donné toi l'argent, pour payer ton loyer, pour acheter les bijoux, pour acheter les panneaux. Mais quand j'ai donné toi, tu donnais à Moussa, regardez-moi à Ferro, Susanna n'a pas confiance. Mon ami Talama Kamboe, Susanna c'est ma femme, la mère de mes enfants. Susanna mon amour, Susanna m'a trompé, Susanna m'a trahi, Susanna m'a largué. Ah Susanna mamae. Mon ami, mon ami, mon ami, Talama Kamboe. Susanna, c'est ma femme, la mère de mes enfants. Susanna m'a trahi, Susanna m'a roulé, Susanna m'a trompé, Susanna m'a largué. Zamio, Susanna, mamae. Dans la vie, il faut savoir que tout se paye ici-bas. Ah oui, tu as raison. Yeah. À Susanna, Susanna. À Susanna, Susanna yo-yo. À Susanna, quand j'ai donné toi l'argent. Susanna, il a acheté grand boubou, Susanna, Zambio, Susanna.